Chanson d'amour, les gars. Vous m'avez orienté sur autre chose, là, bordel de merde. Fuck you. Bon, allez, choisissez-moi ce putain de beat, là, et puis après, on enchaîne sur autre chose, là. Du 32, hein. S'il vous plaît. Un peu plus groovy, un truc comme ça, là. Et je crois que ça va finir en couille, les gars. Tout ça, ça finit en quoi, hein? Bon, ok, vous voulez pas du 100 BPM? Bon, on va rester en 120. Bon, bah, c'est parti en techno alors. C'est parti. Un, deux, trois, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. En si, on va mettre un petit truc boum boum. Hein. Thank you. Thank you. Des enfants, une chanson qui vient comme des cris. Thank you.